Bon, bonsoir Monsieur Perménez. Bonsoir. Merci de nous accueillir et de nous laisser la chance de vous interviewer, puisque vous êtes un parti des grandes figures journalistiques de la Ligue 1. On vous a sollicité de votre temps parce que la saison a repris, parce que la saison s'annonce très intéressante, parce que la saison devait être intéressante aussi européennement pour certains clubs, dont Bordeaux, mais pour tous les clubs, ça n'a pas forcément été avec le même lot de réussites. Donc on a plusieurs thèmes que l'on voudrait vous aborder. Cyril, il y a un premier thème que tu voulais voir, c'était plutôt la première, l'évolution qu'il y avait eu à Bordeaux, avant de rentrer dans l'actuel, parler un petit peu du passé et avoir le ressenti de notre invité. Bonsoir Monsieur Ménez. Donc, première question, c'est, on sait que vous étiez très proche de Laurent Blanc, sur la fin d'ère Laurent Blanc. Donc, on a vécu plusieurs années houleuses à Bordeaux, compliquées. Monsieur Gourvennec est arrivé l'année dernière. Est-ce que vous avez vu une différence, en fait, entre l'ère Gillot et Sagnol et Gourvennec à Bordeaux, s'il vous plaît? En deuxième partie de saison, oui, on a vu un meilleur Bordeaux, des meilleurs résultats. Un meilleur jeu, il y a eu un progrès. J'aime beaucoup Josselin. Je l'aimais beaucoup déjà joueur. C'était un numéro 10 très romantique et il a gardé cet amour du beau jeu en tant qu'entraîneur. Maintenant, aimer le beau jeu, c'est une chose, mais pour pratiquer un beau jeu, c'est quand même mieux d'avoir des beaux footballeurs. Donc en fait, on en revient toujours à la même chose. À Bordeaux, il y a un vrai problème de joueurs, et c'est ce qu'on remarque un petit peu sur ce début de saison. Concrètement, bonjour Monsieur Pierre Ménès, pardon. Nous, on voudrait avoir votre avis sur comment le club était perçu du côté du groupe de M6 sur Paris, finalement. Quand j'étais à M6, il était plutôt pas trop mal perçu. Je me souviens qu'à 100% foot sur M6, j'avais dit que Bordeaux était un club sordide, parce qu'à l'époque, il était entraîné par Ricardo et qu'on s'emmerdait à 100 francs de l'heure à les voir jouer. C'est que, à la Coupe du Monde, Jean-Louis Triot m'en avait fait la remarque. C'est à quoi je lui avais répondu, vous plaignez pas, ça prouve que vous avez des journalistes indépendants. Voilà, quoi. C'est vrai que depuis qu'M6 est actionnaire principal de Bordeaux, il gère ce club avec un sens économique très poussé. C'est aussi pour ça qu'ils ont perdu Laurent Blanc, parce que quand Laurent Blanc a pris la décision de rejoindre l'équipe de France, c'était au mois de mars. Et ça, on dit trop souvent à Bordeaux que Laurent Blanc a laissé tomber Bordeaux. Mais bon, moi qui étais proche de lui, je savais qu'il hésitait beaucoup. Et puis, il y a eu une réunion au recrutement où il a dit « Saint-Max s'en va » et le profil pour le remplacer sur un haut. Et on lui a répondu « non, c'est trop cher ». Alors que le club venait de faire champion de France, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Ouais. Donc voilà, quand on a si peu d'ambition, c'est compliqué de faire venir des grands entraîneurs et des très bons joueurs. Mais justement, vous parlez d'ambition. Le club a été repris par... la direction du Mont a changé. On a Monsieur Martin qui est arrivé à la place de Jean-Louis Triot à la tête des Girondins de Bordeaux. Nous, on voulait avoir votre opinion, votre avis sur ce changement de direction-là au sein du club. Sachant qu'en plus de la direction, il y a eu un directeur sportif et une restructuration d'entièrement du club, que ce soit de la formation, du stade, de la suite de recrutement. Enfin, tout a changé en quasiment 2 ans. Ouais. Moi, je le vois pas le changement. Hein. C'est vraiment un changement dans la continuité. Il y a pas plus d'ambition. Il y a pas plus de. C'est vraiment la politique la même. Quoi. Il y a des joueurs qui sont partis. Ils ont été peu ou bizarrement remplacés. Donc, voilà. Vous pensez à qui quand vous dites qu'ils ont été peu ou bizarrement remplacés? Parce qu'on a pas le droit qu'il a été remplacé. Quand on perd Ounas et Roland. Et qu'on le remplace par Mendy, Roland n'est pas vraiment parti encore, parce qu'il doit être remplacé s'il part. Après, laissé partir Ounas, mais son arrivée devrait être Cafu, son remplaçant, puisque le premier remplaçant n'a pas passé la visite médicale. C'est vrai que ça, de toute façon, là, vous m'interviewez, alors qu'il reste encore 25 jours du mercato, donc, effectivement, les Girondins ont peut-être un autre visage à la fin du mois. Mais au moment où on se parle, c'est pas terrible. Et puis quand on a des échéances comme l'Europa League très tôt, il faut être prêt très tôt. Et ça, c'est visiblement quelque chose que que Girondins n'ont pas paramétré et ce qui a entraîné cette désastreuse élimination. Désastreuse parce que déjà se faire éliminer par Vidéotron, il faut quasiment le faire exprès. Et puis bon, j'ai pas vu le match aller, j'ai vu le match retour, c'était pitoyable, quoi. C'est vrai que le match retour a été compliqué pour nous aussi, je dois avouer que on aurait préféré voir le même match qu'à l'aller, au moins on serait sûrement passé, puisque Vidéotron aurait quasiment pas eu d'occasion. Mais au final, quand on parle, quand vous dites Bordeaux a pas anticipé son mercato, on a pris du retard, etc., c'est des choses que nous aussi on relève et qu'on a du mal à comprendre, alors que le mercato avait bien commencé avec des arrivées anticipées, avec Sabali et Jovanovic qui étaient des prêts qui devaient repartir et qui ont été confirmés, avec Costil, avec le Rager qui en début juin était déjà là. Et on a l'impression que tout a pris un petit peu de temps, mais il y a d'autres questions aussi qu'on se pose, c'est que le mercato est en retard, il y a des changements de poste qu'on a du mal à comprendre, notamment tout l'allant. Est-ce que ce changement-là, c'est un changement que vous comprenez de la part du coach, ou quelque chose que vous non plus, vous ne comprenez pas trop? La vraie question, c'est de savoir est-ce que tout l'allant ou encore le coffre pour jouer au milieu de terrain. Moi, je pense que non. Avec lui, on a quand même un certain niveau de relance, du calme, de la lucidité. Ça vaut le coup de l'essayer en défense centrale, et puis si ça marche pas, Jocelyn changera. Hein. Vous faites confiance à Jocelyn sur cette saison pour mener Bordeaux en haut? On voit que tous les gros clubs, à part Lyon, ont tous un entraîneur charismatique, que ce soit Lucien Fabre, que ce soit Bielsa à Lille, Ranieri à Nantes. On voit quand même que les clubs ont pensé qu'il est important maintenant d'avoir de bons entraîneurs. Est-ce que vous pensez que Jocelyn Gourvennec est de cette cam là? Moi, je pense qu'il a d'énormes qualités. Maintenant, c'est l'entraîneur, mais ce n'est que l'entraîneur. Ranieri, c'est un grand entraîneur. Il a pris une branlée à Lille dimanche parce qu'il a une mauvaise équipe. D'ailleurs, je me suis un peu ému au Canal Football Club qu'on s'offre un entraîneur aussi cher pour lui donner à l'arrivée un effectif aussi pauvre. Mais aussi, à Nantes aussi, le mercato n'est pas terminé. Maintenant, si on voit les choses de façon pragmatique, il y a au moins 5 clubs qui sont plus forts que Bordeaux sur le papier, voire 6. Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Lille et Nice. Donc, si Bordeaux finit 7e, ils auront fait une bonne saison. Donc, bonsoir Pierre, et merci d'être présent avec nous ce soir, c'est un honneur. Je voulais vous poser une question, c'est en rapport aussi avec cela. Donc on voit que tous les clubs de Ligue 1 qui potentiellement visent l'Europe, que ce soit Lille, Monaco, Monaco sûr, mais Lille, Nice, il y a aussi même Rennes, tous les clubs ont un actionnaire derrière. Et est-ce que vous pensez que Bordeaux doit forcément se faire racheter pour pouvoir concurrencer avec ces équipes? Se faire racheter, c'est une chose. Et il faut trouver quelqu'un, quoi. Faut trouver un acheteur. Oui, ou pas forcément un acheteur, au moins quelqu'un qui soit là pour mettre l'argent derrière et garder à la tête toujours les mêmes personnes, comme il peut se passer par exemple à Nice où l'actionnaire n'est pas principal. Oui, c'est sûr qu'il y aura plus d'ambition avec plus d'argent, hein. Aujourd'hui, on l'a bien vu avec Neymar, l'argent dans le foot, c'est le nerf de la guerre. Hein. Mais justement, vous êtes en train de parler de Neymar, la Ligue 1, justement, et ça enchaîne un petit peu sur ce que disait Enzo, la Ligue 1 est en mouvement, on a les clubs où on a pas mal de clubs rachetés avec des investisseurs qui soient minoritaires mais qui injectent des fonds dans les clubs de Ligue 1, on a des gros transferts comme Neymar qui donnent de la visibilité sur la Ligue 1, donc c'est plutôt une bonne chose, mais quelle est la place de Bordeaux finalement dans tout ça? À 7e. Lucide. 7e, 5e s'ils font une super saison, 10e s'ils en font une mauvaise. Mais pour vous, Bordeaux serait, on va dire, à sa place derrière les gros budgets, si on est sérieux, mais sans plus, il faudrait quand même, pour vous, quand même quelque chose de plus et qu'on soit quasiment, j'ai envie de dire, en sur-régime pour réussir à attraper une Coupe d'Europe l'année prochaine. Même si c'est pour faire sortir par Vidéotron, c'est de moi, ça sert à quelque chose. Mais On est plutôt dans cette optique-là. Au final, la Ligue 1 a changé, sortant un petit peu du moule Bordeaux. Comment vous, en tant qu'observateur, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Puisque c'est souvent un débat. On dit l'arrivée de Neymar, c'est super pour la Ligue 1. Est-ce que vous trouvez que c'est bien pour la Ligue 1? Ou est-ce que le fait d'avoir une super locomotive en haut, qui au final a le budget de quasiment tout le monde, puisque en un transfert, Paris a dépensé le budget du Champions Project de Marseille, est-ce que pour vous, ça risque pas aussi de tuer un petit peu la Ligue 1? Avant même qu'elle ait vraiment démarré. Le Champions Project, ils ont 200 millions de budget, ils vont en dépenser que 25 pour l'instant, donc il faut qu'ils arrêtent de faire les radins aussi. C'est pas le tout de claironner qu'on a un investisseur et tout. Si c'est pour dépenser aussi peu, c'est pas la peine. Hein. Maintenant, à votre avis, le public de Guingamp, il est pas content de voir Neymar dimanche prochain? Voilà, je pense que partout où va aller le PSG, ce sera plein. Ça va rapporter des dizaines de millions d'euros au club en vente de maillots sur 4 ans. Moi, le prix me choque pas. Hein. Quand je vois que le dernier film de Besson était une merde, a coûté 200 millions d'euros. Quand je vois Higuain 90 millions, Pogba 117 millions, Morata 80 millions, Lukaku 85 millions. Quand je vois le niveau de ces joueurs et le prix payé, je pense que Neymar, ça en vaut bien 222. Hein. Donc, Et le retour sur investissement sera sans doute supérieur. Après, je pose volontairement cette question qui fait débat même au sein de notre équipe. Donc, je vais aller un petit peu contre ce que vous disiez en disant, ben ouais, les supporters de Guingamp seront contents, mais les supporters de Guingamp rarement est habitués à jouer le titre. Donc, eux, ça leur change pas grand-chose, alors pas un quotidien. Par contre, ce super... Je vous rassure, même si le PSG n'avait pas pris Neymar, Bordeaux n'aurait pas le titre. Hein. Ça, on est d'accord. Mais je parle de ces clubs qui sont titrés depuis 30 ans, qui régulièrement jouent en haut. On voit quand même que même Lyon, qui a marché sur la Ligue 1 dans les années 2000... Lyon jouera plus le titre, jouera au mieux la troisième place derrière Paris et Monaco. Mais on a l'impression que la Ligue 1 est promise maintenant à un club pour du sport. Pour moi, le but, c'est quand même qu'il y ait de la compétition, qu'on sache pas le vainqueur à l'avance, sinon ça sert à rien de la jouer, la compétition. Il faut qu'il y ait d'autres investisseurs du niveau des Qataris qui viennent en France. Et la présence de Neymar peut susciter cette émulation. Les gens peuvent se dire, ah ben voilà, maintenant le championnat de France est attractif, il y a Balotelli, il y a Schneider, il y a Neymar, il y a Cavani, il y a Thiago Silva, ça vaut le coup d'investir dans un club, ça vaut peut-être le coup d'investir dans Bordeaux et d'avoir des ambitions. Aujourd'hui, on est dans une période où finir champion n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de finir en Ligue des Champions. Donc voilà, mais bon, il y a pas beaucoup de suspense, il y a encore moins de suspense en Allemagne. Hein. Le Bayern est champion tous les ans, hein. Tous les ans on sait qu'il va être champion à la fin de la saison de Bundesliga. On le sait aussi en Italie, en Angleterre il y a une forte concurrence, en Espagne ça se joue entre deux clubs. Et c'est justement parce que je trouve qu'au final on y perd un petit peu l'intérêt du sport. Hein, c'est, au final, je trouve juste qu'on y trouve, on y parle un petit peu d'intérêt. Pour gagner la Ligue 1, Paris, ils n'ont rien à foutre de la Ligue 1 à partir du moment où ils la gagnent. Mais Paris, ils ont pris ça pour essayer de gagner la Ligue des Champions. Ça, on est bien d'accord. Voilà, la Ligue 1, si c'était que pour gagner la Ligue 1, ils n'avaient même pas besoin de recruter. Ils repartaient avec les mêmes équipes, vu que Monaco s'est considérablement affaibli et c'est pas fini. Ils auraient été champions quand même, hein. Donc moi, ce sujet, j'ai une question. Donc moi, je partage votre avis sur Neymar, qui peut apporter aussi des joueurs comme Schneider et autres, qui étaient peut-être pas forcément intéressés par la Ligue 1 avant la venue d'un grand joueur comme ça. C'était pour savoir si, est-ce que vous pensez que les Girondins sont capables de réaliser un coup à la Nice, un peu, avec un Schneider qui pourrait venir et faire vendre des maillots, qui pourrait faire donner une nouvelle atmosphère au club et potentiellement faire venir les gens. Bordeaux pouvait pas faire Ben Arfa il y a 2 ans. Si, totalement. Bordeaux a fait Ménès l'an dernier, donc. Et voilà, ils font jamais un coup, Bordeaux. Ils ont toujours cherché des obscurs brésiliens, serbes, Enfin voilà, c'est... Ça vous fait pas triper, ça? Non, ça me fait pas triper, non. Non, non, ça me fait pas triper. Et est-ce que justement, si, comme vous dites, il reste 25 jours avant la fin, la clôture du mercato, si Bordeaux venait à recruter 2, 3, on va dire, voire 4 joueurs, alors on a vu qu'Otavio arrivait aujourd'hui aux Girondins de Bordeaux, si avec 2, 3, 4 joueurs arrivant à Bordeaux, est-ce que le jugement qui est le vôtre et le classement final qui est le vôtre, votre opinion pourrait changer à ce sujet-là? Ça dépend du niveau des joueurs, hein. S'ils sont du niveau, s'ils sont du niveau de Cotento, ça changera rien, hein. C'est pas bien de nous venir. Et à ce sujet-là, pour vous, quel est le poste, enfin, le ou les postes prioritairement que Bordeaux devrait recruter? Devant. On est d'accord. Mais ça, on est tous d'accord pour dire qu'il manque des attaquants, ça, c'est pas de problème. D'ailleurs, Mendy, vous qui suivez souvent la Ligue 1, notamment avec Canal+, vous en pensez quoi de ce joueur? Parce que, franchement, on va pas vous cacher, quand on nous a annoncé Mendy, on s'est demandé c'est qui lui. Et quand on a lu les avis des supporters guingampés, on a un peu fait la gueule. Donc, quel est votre avis, vous, sur ce joueur? Ah, déjà, il a marqué à Angers, hein, c'est déjà pas mal. C'est un joueur puissant, pas très fort techniquement, mais bon, qui a un sens du but correct. Voilà, il peut marquer 7-8 buts dans l'année. Hein, mais un bon remplaçant. Voilà, un bon remplaçant. Ouais. Ok, et puis dernière question. C'est plutôt la Borde, là. Hein. On espère que ça va changer. Votre avis sur la Borde, justement, en deux mots? C'est correct. Deux mots. C'est correct, c'est bon. Et pour finir, une dernière petite question. Vous parliez justement de ces joueurs, on va dire, qui sont connus et reconnus en Europe. Vous n'étiez pas fan du recrutement à la Malcolm, même si c'est une bonne surprise, mais ça peut aussi donner des bids comme les David il y a quelques années. Si vous étiez président des Girondins de Bordeaux ou à la cellule de recrutement, quel joueur vous trouveriez intéressant qui serait disponible sur le marché du style de Balotelli, comme ça, ce qui s'est passé l'année dernière, ou Schneider? Ah, j'essaierais de me faire prêter des joueurs pour PSG, par exemple. Krikoviak? Non, je ne connais non plus. Non, mais je vais essayer de me faire prêter Guedes ou Ocelso, parce que si PSG fait encore un attaquant, ce qui a l'air d'être de vouloir être le cas, il va y avoir trop, quoi. Alors, ils vont vendre Lucas, mais Guedes, ils vont certainement chercher à le prêter. L'Ocelso aussi, ce serait des joueurs qui apporteraient un vrai plus aux Girondins. Oui. Surtout Guedes sur les... Ouais. On va conclure. On voudrait quand même savoir ce que vous avez prévu pour cette nouvelle saison, que ça soit au niveau footballistique ou on va dire niveau personnel. On va retrouver Pierre Ménez où cette année? Alors d'un point de vue personnel, je déménage vendredi. Voilà, je quitte. Là, j'habite vraiment tout près de Paris parce que j'habite à Saint-Cloud et je m'éloigne d'acheter une maison. Vous allez à Bordeaux comme tous les Parisiens, c'est ça? Non, moi je reste en région parisienne. Moi je suis un vrai Parisien né à Paris. Hein. Au niveau télé, je vais faire évidemment Canal Football Club tous les dimanches. À partir du mois de septembre, j'aurai ma propre émission le vendredi soir avant le match du vendredi sur Canal, où la particularité que ce sera une émission de foot avec que des filles. Ouais. Et puis je vais faire TPMP si mon état de santé me le permet tous les jeudis. D'ailleurs, comment ça va? Santé, mieux? On sait qu'on a suivi ça, on a vu que les hommages en plus avaient quand même de tout... Enfin, des hommages. C'est pas du tout le bon mot, on comprend ce que je veux dire. Mais tout le monde, ça avait été quand même très sympathique. Donc mieux, c'est tout ce qu'on vous souhaite, d'avoir une saison où la santé ne vous pose aucun souci. Ok. Merci beaucoup. On vous remercie pour nous avoir accordé ce temps. Merci. Précieux pour nous. Okay. Et puis, passez une bonne saison. Okay. Un pronostic pour le champion, je pense que c'est Paris au final, votre champion. Je pense, oui. Et un pronostic pour Bordeaux Metz pour ce week-end? Ah, Bordeaux va gagner. Bon, ça va. Bon, ça va. Vous rassurez, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur Perménès. Au revoir. Au revoir.